qui la croit. À chacun son mecto, à chacun son mecto. Je vois les ennemis en dos, je vois les ennemis en dos. Même si maintenant c'est bien, c'était mieux avant. J'ai la fierté du bunk, c'est les yeux de maman. Je fais du son pour les miens, mais j'ai plus de vacances. Le bonheur des miens, c'est mon médicament. Bagă forță! C'est déjà les soldes chez Château d'Axe. Et les soldes chez Château d'Axe, c'est le design italien et le confort. Et à des prix fous jusqu'à moins 50%. N'attendez pas. Et oui, chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Sur articles étiquetés soldes dans la limite des stocks disponibles. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos oranges à jus ont tout d'une très bonne orange. Sucrées, juteuses à souhait et souvent précédées d'un petit... Mais j'en ai rangé où ce presse-orange ? Ah bah là, devant moi en fait. Oui vraiment, nos oranges à jus ont tout d'une très bonne orange, mais à prix discount. 2,29€ le filet de 2 kilos. Oui, 2,29€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, 1,15€ le kilo, variété Salustiana, origine Espagne. Offre valable jusqu'au samedi 25 janvier, info sur aldi.fr. Les soldes Conforama, ça continue très fort. Avec toujours jusqu'à moins 70% sur tous vos produits préférés. C'est le moment de faire le plein de bonnes affaires en magasin et sur le site. Conforama, selon date des soldes et dans la limite des stocks, voire conditions sur Conforama.fr. Carrefour. Quand vous me dites 2025, c'est l'année du serpent de bois. Eh bien, pour fêter comme il se doit le nouvel an chinois, pour deux produits Suzy One achetés, le troisième est offert. Et c'est valable sur tout Suzy One. Et c'est jusqu'au 3 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Là, vous entendez ? Et vous savez que c'est le roi Merlin ? Alors vous sortez vite de la douche, en grelottant, pour entendre la publicité. Et là, quand je dis que jusqu'au 4 février, le sèche-serviette électrique Marapi Sauter 500 watts programmable avec fonction boost pour chauffer en 15 minutes est à 199€ au lieu de 239, soit 40€ de remise, là, vous grelottez toujours, mais ça vous fait chaud au cœur. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Leclerc, bonjour. Bonjour, le gel douche de Petit Marseillais, il est bien en promo. Oui, à moins 34%. Top, alors il m'en faudrait tout de suite, parce que je suis sous la douche et le mien est fini. Séchez-vous vite et passez nous voir. Du 21 janvier au 1er février pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le lot de 3 gels douches de 250 ml, le Petit Marseillais au lait d'amande, est à moins 34%, soit 2,96€. J'arrive. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc, soit 3,95€ le litre, autre variété disponible, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Fenêtre bois ou aluminium ? Pourquoi choisir ? Découvrez Méo, la fenêtre qui n'a que des bons côtés. Chaleur du bois côté intérieur, élégance de l'aluminium côté extérieur. Méo est le premier fabricant français de fenêtres et portes d'entrée bois aluminium. Personnalisez votre projet sur fenêtremeo.com. Méo, la fenêtre émotion. Vous êtes avec votre amoureux sur les canapés et vous jouez à qui cuisine ce soir ? Vous avez rangé l'appart ? Il a passé l'aspi. Ça fait un partout. Ah, là, va falloir négocier. Alors vous commandez des sushis sur Deliveroo. Et lui, il étendra le linge. Même pas obligé de lui dire que vous avez profité de l'offre un plat acheté, un plat offert. Et voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est bien. Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus. Oh, mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger ? Pomme, pomme, pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre. Mais oui, pas bête ! Une poêlée de pommes de terre aux épices. Pomme, pomme, pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre. Ah oui, ça j'adore. Des pommes de terre rôties au four à la sauce soja. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base. Réapprendre à 40 ans, c'est toujours mieux que de faire toute sa vie un métier qu'on n'aime pas. Chez Actual, nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail. Alors nous vous proposons des formations pour trouver un emploi qui vous correspond, même si vous en avez déjà un. Pour se réinventer, il y a forcément une agence Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail.

bien plus qu'une radio. Maximum. Tout dépend de la façon de s'y prendre. J'ai pas 10 000 options, donc je casse tout maintenant. Je disparais un moment. Je suis devant ma zé intérieur blanc. La bouteille pèse une tonne. Je vois même pas de toute façon. Et tu dégages une aura qui fait des dégâts. L'impression qu'on se connaît déjà. Elle a mis les meufs du carré au pied. Que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est. Il est temps de se caser. Carré au pied. Méchants garçons au pied. Elle se dit ça y est. Depuis trop de jeunes espaces, j'arrive dans le nouveau Tesla. Je vois tout le monde en bizarre. Ouais, nous on sort du blizzard. Un micro, une guitare. Je fais le tour du monde en Vespa. Je crois qu'elle vient de l'espace. Je me perds dans son regard. Si jamais j'ai plus de quoi payer, est-ce que tu vas oublier? Tu te rappelleras qui j'étais. Ton amitié maquillée. Elle a mis les meufs du carré au pied. Que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est. Il est temps de se caser. Carré au pied. Méchants garçons au pied. Elle se dit ça y est. Il est temps de se caser. Promis, je vais m'en occuper. Je repense à hier soir, c'est passé vite, j'suis dégoûté. Dis-moi qui t'a fait ça, promis, je vais m'en occuper. Je repense à hier soir, c'est passé vite, j'suis dégoûté. Elle a mis les meufs du carré au pied. Que des méchants garçons au pied. Elle médite, elle se dit ça y est. Il est temps de se caser. Carré au pied. Méchants garçons au pied. Elle se dit ça y est. Temps de se caser. مش وقتو باش نسمعلك خاطر وقتك ما عطيتش نانا شوف ايش كون باش يشفعلك خاطر منك ما شفيتش نانا دنيا صغيرة يا بنادم حياتي صعيبة في الكيلو لكن كل اللي كاتب بقي سر اللي كاتم ناس الغيرة اللي عميتم ما حبوش اللي فاتم لما نسيت اللي خان لما نسيت اللي كانوا معنا لما نسيتش اشقان حديد اللي تزيد ورانا ما من سنين اللي تان قولي شكون اللي سبر معنا انا ربي سبحان ودي مرضاوي الوالدين ورانا يا غالي مشات سنين باقي لدوا على بالي انتي وين يا غالي مشات سنين باقي لدوا على بالي يا غالي الحقيقة لي موصل ما جيت انفسد في صغاري في عرقي ونعسل مش اللي توصل في الغالي احنا غالي ويا غالي نتجنب في بليس والناس اللي تقيسوا في حالي في حرب ومش بيس النطر في تشيس ومساري نستعشق الفيس وبيعوا برخيص واحنا غالي احنا غالي يا باقي سنين على بالي كي استنيتك الليالي يا غالي كي تمنيتك احلالي ديما بجنبي في خيالي في بالي باقي حر وفي مالي نعمل كان لي احلالي في بالي نعرف مش حد حكالي حاسس بيك وفي بالي يا غالي ويا غالي يا غالي ويا غالي de Nanterre présente Moir Milano en concert samedi 1er février à 20h30. Moir Milano, le talent algérois qui exprime le malaise de la jeunesse avec une touche d'espoir et dont la présence magnétique et les émotions profondes transportent le public, est de retour pour un show exclusif à Paris. Ne manquez pas Moir Milano le samedi 1er février à 20h30 à la Maison de la Musique de Nanterre. Info et réservation maisondelamusique.eu en partenariat avec Beurre FM. La plus grosse promotion de l'année chez Air Transat, c'est maintenant. Partant pour des billets d'avion Paris-Montréal à partir de 369 € TTC aller-retour? On vous comprend. Mais nous comprenons aussi que même à ce tarif, vous voulez plus qu'un simple billet d'avion. C'est pourquoi pour 369 €, vous pourrez profiter d'un repas chaud, d'un bagage cabine et d'une tonne de sourires. La plus grosse promotion d'Air Transat, c'est jusqu'au 31 janvier uniquement. Renseignements et réservations sur airtransat.fr. Air Transat, le voyage nous transporte. L'Institut du Monde Arabe présente Lima Comedy Club du 29 janvier au 2 février. Une 6e édition qui multiplie galas et salles en scène francophones et arabophones pour célébrer un humour sans frontières. Au programme, un plateau d'artistes foisonnants et pétillants. Abdelkader Sektor, Hakim Jemili, Mohamed Elmi, Améziane, Sofiane Soch, Samy Bell, Liliane Benchaban, Lucie Carbone, Louis Katla, Younes Hanifi, Imen Lamar, Luciole de Feu, Mamari, Jamel Oudni, Natacha Prudent, Reda Sa. Oui. Lima Comedy Club à l'Institut du Monde Arabe du 29 janvier au 2 février. Réservation et informations sur imarab.org. Avec Beurre FM. Retrouvez tous vos programmes préférés en podcast sur beurrefm.net, l'appli Beurre FM et toutes les plateformes de podcast. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM, Beurre FM à Cergy sur le 106.7 FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. C'est facile à danser. À chacun sa façon de danser. Chapeau et lunettes comme la mafia d'Italie. Je tape des raviolis dans une. Beurre FM. C'est ça. C'est pas mal. La plus belle de Paname. Dans mon cœur, bébé, t'as fait un canage. Dans mon cœur, bébé, t'as fait un canage. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans les. excès pour des petits trajets sur le féfé. Je préfère mieux château dit tété. Donc Spider pour cet été. Beurre FM, c'est ça. Ils ont essayé, mes sorcières, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je les reconnais. Pas besoin de savoir. Demain, je disparais. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. Il est 19h et vous êtes bien sûr sur Beurre FM. 19h, 20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Ouais, c'est Ray JB qui prête sa voix maintenant. Oh, il s'essaie à une nouvelle voix, c'est la comédie. OPA, une OPA sur. OPA sur la radio. Tout c'est les informés. Voilà, ouais. Vous avez vu, hein, il propose sa voix pour les jingles de la radio. C'est vendredi. Ouais, ça va nous coûter, ça va nous ses activités. Et c'est ça, oui, ça va nous coûter cher, les amis. Bonsoir, bienvenue. C'est parti pour clore cette semaine les informés des quartiers, justement, avec Ray JB. Bonsoir. Bonsoir, Adil Farkan. Président de la coopération franco-tunisienne. Tout se passe bien ? Très bien. À vos côtés, c'est un avocat. Il s'appelle David Libeskind. Bonjour. Bonsoir. Maître. Comment ça va ? Ça va. Mais celui qui est toujours habillé par l'élégance, la classitude, il s'appelle Ibouba. Bah, c'est vrai, regardez, costume, tac, t'as le truc. On suit tes pas, Adil Farkan. Que je te dise, moi, j'ai rien, moi, je peux pas. On suit, on suit. Ah, les, non, on non, suit non, les non, clochette, non. Farkan, alors, oh non, non, on va arrêter tout de suite. Ouais. Moi, on suit les je suis pas de ton niveau. Farkan. Ibouba, comment ça va ? Très bien, très très bien. Un plaisir de revenir sur Beurre FM, effectivement, avec Adil Farkan. Exactement. À vos côtés, c'est celui qui est en costume mais sans la cravate. Il s'appelle ancien élu, mais également consultant. Il s'appelle Ménard Auchénière. Non, non, je croyais qu'il me parlait en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Ménard Auchénière, pardon. Bonsoir Adil, bonsoir à tous. Effectivement, on peut pas s'aligner sur l'élégance de Ibouba. J'ai bien tenté de sortir le costard. Mais non, ça va être difficile de le rattraper. Alors, au sommaire de cette émission, il manque Thierry Paul Valette qui va pas tarder à arriver d'ici quelques minutes. Il est coincé toujours, vous savez, par les transports en commun. Non, les transports en commun, les transports en commun. Alors, on va d'abord aller direction une interview avec pour découvrir une rencontre littéraire. Justement, on a un peu de mal à la, comment dirais-je, à la joindre, mais ce n'est pas un souci. Vous savez, parfois il y a des problèmes de connexion, mais on va tâcher de la recontacter. D'annuler. Qui a dit annuler ? Non, de régler le problème. Ah, de régler le problème. Ah, ouais. Non, je ne permettrai pas de faire de l'ingérence. Vraiment. Oh, t'as déjà commencé en donnant le top départ. Alors, hein. Merci, merci maître. Voilà, après merci. Accord du... C'est mon avocat, hein, je le après, laisse parler à ma après place. Après accord de l'animateur voilà. En chef, bien sûr. Immigration, on reviendra sur Bruno Retailleau qui veut durcir les règles, vous savez quoi, concernant l'immigration, mais notamment sur la régularisation, on va en parler. Alors, une durée de moins de 7 ans, eh bien, vous savez que tout cela risque de changer. Mais surtout, à quel prix ? Nous parlons du Sénat. Le Sénat, vous savez quoi ? Alors, moi, j'ai un peu de mal là-dessus, parce que le Sénat n'a pas voulu donner l'exemple lui-même, c'est-à-dire que, y compris eux-mêmes, à leur salaire, etc. En revanche, vous savez quoi ? Je sais qu'hier, on a parlé des anciens présidents et des anciens ministres, mais là, ils vont vers un rétablissement des comptes moins violent que prévu. Alors, on va en parler, parce qu'il a adopté le projet de loi sur les finances de 2025 avec une nouvelle version aboutie, avec une hausse des emplois dans la fonction publique. Bref, est-ce qu'il va y avoir des conséquences, des causes ? On en parle. On parlera aussi, vous savez quoi ? De Rima Hassan, ça faisait longtemps, tiens. Mais surtout de LFI, parce qu'il y a Manon Aubry aussi, qui se justifie et qui donne des explications, notamment, vous savez quoi, sur Boualem Sansal et le vote, les deux eurodéputés, qui, je le rappelle, ont refusé de voter une résolution portée par l'extrême droite. C'était hier précisément. 0153483000, vous nous appelez en toute liberté d'expression, et ça, vous le faites très très bien. Et puis à 19h30, vous savez quoi ? Nous aurons le docteur Majid Seoussine, avec le cri de la plume tout à l'heure, qui viendra nous livrer sa carte blanche, son... comment dirais-je, son billet d'humeur. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression. Les informés. Le face-à-face. Le face-à-face en attendant de retrouver l'interview, puisqu'on a beaucoup de mal à la joindre, justement. Eh bien, messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet. Le ministre, et puis je vous entendre aussi, parce que c'est vrai que ça nous concerne tous, y compris ceux qui nous écoutent au 0153-48-3000. Parce que là, on parle de M. Retailleau qui veut durcir les règles de régularisation des sans-papiers. C'est possible, maître ? Je m'adresse à l'avocat. Oui, alors, brièvement, il y a deux volets dans cette nouvelle circulaire qui abroge la circulaire Valls. Oui, alors, il y a un volet régularisation par le travail, donc est exigé 12 mois de travail sur les 24 derniers mois et 3 ans de présence sur le territoire français. Ça, c'est le premier volet. Oui. Le second volet, donc, pour les autres motifs de séjour tirés de la vie privée et familiale, est exigé 7 ans de présence sur le territoire. 7 ans. Voilà, 7 ans. C'est bien de nous rappeler ça parce que les auditeurs écoutent en même temps. Oui, 7 ans. Alors, franchement, moi, je vais vous dire, hein, ça ne va rien changer. Pourquoi ? Quand on regarde, en fait, les statistiques 2023, il y a eu quoi ? Il y a eu 30 000 régularisations. Par 30 000 la, 30 000. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau sur... voilà ce que je m'apprêtais à dire. C'est quoi ? C'est par rapport à la proportion ? Non, c'est rien. La proportion, c'est rien, c'est que dalle. Non, c'est rien. En fait, le problème n'est pas... Alors, s'il y a un problème, la régularisation par travail, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord pour régulariser... les personnes qui sont sans papier qui travaillent. Mmh. Mais quant au reste, en fait, le problème, c'est juste en fait, un problème de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français. Mmh. Donc voilà. Mais en fait, ça va rajouter des sans-papiers en plus. Ça va pas. Vous rendez compte, 7 ans de présence sur le territoire français. Vous imaginez le stress de la personne qui, je ne sais pas, ça fait 2 ans qu'elle est sans papier en France, obligée d'attendre 5 ans. Pour pouvoir être régularisé. C'est compliqué, hein, je vous dis. C'est compliqué, c'est compliqué. Si je peux me permettre l'expression, c'est un sacré merdier, cette histoire. Oui, c'est un merdier, mais après, il faut plus de coopération. Non, mais avec cette nouvelle circulaire, ça va être très, très court. Déjà, c'est compliqué. Mais je crois que... Mais là, ça va. Oui, entre eux déjà, donc ils se comprennent pas. Donc il y a déjà un problème. Je crois qu'au niveau de l'État même, parce que voilà, ça sera très difficile à le mettre en œuvre. Et moi, je voudrais juste attirer l'attention donc de nos auditeurs, parce que aujourd'hui, c'est vrai que ça sera fugace de penser ça en lendemain meilleur. Si nous voyons très bien la situation comment elle se déroule, c'est vrai que c'est la mode, parce que quand on voit les États-Unis faire ça et que simultanément donc la France aussi essayer de s'aligner, je crois que c'est pas la même chose du tout. Ils envoient l'armée. Hein. Alors, non, oui, mais de toute façon, ça ne fait qu'interpeller plus d'un, donc dans la situation que nous vivons aujourd'hui, présentement. Donc, on est en libre-pensée, c'est sûr que aujourd'hui, Trump parle d'immigration, si on parle d'immigration en France, c'est aujourd'hui, déjà, nous, on a un problème économique qui se pose. Donc, là, il y a un problème de main-d'œuvre qui se pose. Mais vous l'aurez compris, Bouba, quand même. Non. C'est-à-dire que, derrière tout ça, c'est quoi la finalité ? C'est de réduire l'immigration, c'est non, tout. Mais hein. Moi, c'est ce que je vois. Oui, c'est de diminuer, de réduire l'immigration. Je vais aller plus loin encore. C'est de lutter contre l'immigration illégale. Oui, mais c'est qu'il faudra comprendre. En fait, les situations ne sont pas. C'est ça qu'il faut lire. Les situations ne sont pas pareilles. Il faut. Bah, vous savez, non. La société française aujourd'hui, quand vous parlez, depuis combien d'années on parle d'immigration ? Le fond du problème, c'est pas ce qui va régler le problème. Et alors que la France a besoin d'immigrés. C'est ça aussi la réalité. On a besoin de main-d'œuvre ici en France. Et maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, la situation géopolitique de la France et la situation économique de la France, il faudra faire une analyse pertinente là-dessus et savoir ce qui se passe réellement. Donc, il faudra, vous savez, la rétention. Oui. À un certain moment donné, il faut un esprit de dépassement et se regarder dans les yeux. Je crois que tout ça n'est que politique, mettre la poudre aux yeux. Mais la réalité est que si vous rendez aujourd'hui dans les préfectures, vous voyez le nombre de personnes qui se fait régulariser. Je vous assure. Et toutes ces personnes qui paient 345 euros, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont productifs. Alors, 345 gentil, hein. euros plus. Attendez, plus... encore, vous êtes gentil. Moi, j'ai échangé avec certaines personnes qui ont, pour le montage des dossiers, jusqu'à 1 500 euros. Ouais, non, mais je voudrais juste vous dire pour la régularisation, en fait, ce qui va dans la caisse de l'État, c'est-à-dire que 370 euros par personne, et vous avez des milliers de personnes qui passent par jour dans les préfectures. Alors, vous allez dans le 94, vous allez dans le 94. Mais attention, mais ces gens-là, ils sont productifs. Le fond du problème est qu'il faudra voir les choses en face. Il faut qu'on arrête. D'accord, maître. Mais non, il faut qu'on arrête. Après, c'est un gros problème. Ouais. Non. En fait, c'est un gros problème que la France ait autant de personnes sans papier. À un moment donné. Il faut régulariser. Sarkozy, il a compris. Voilà, on ne laisse pas, en fait, parce que quand on n'a pas de sans papier, on n'a pas de droit. Il faut que les gens les sachent. Bon, il y a l'aide médicale d'État pour la santé. Mais en tout cas, il n'y a aucun droit. Ils n'ont pas de revenus, ils n'ont rien. En fin de compte, c'est des gens qui vivent dans la misère. Mmh. Et puis, juste ça pour le savoir. D'ajouter que le fondement des deux. Ensuite, Riyad Chahibi et Thierry Paul Valette. Le fondement des deux circulaires est sensiblement différent, puisque la circulaire Valls, elle avait surtout vocation, en tout cas à l'époque où elle est sortie, à venir combler des déficits de main-d'œuvre et à régulariser des gens dans des secteurs en tension. Donc il y avait vraiment un sous-jacent économique important. Là, la circulaire Retailleau, elle vise à durcir des critères. C'est plutôt, parce qu'on le sait, hein, c'est pas un secret, Bruno Retailleau fait très souvent le lien entre immigration et insécurité. Et elle a, on va dire, un sous-jacent sécuritaire qui ne peut pas être nié. Donc, partant de là, c'est une circulaire qui sert à durcir pour, on va dire, conforter une certaine idéologie, pour plaire à, suivez mon regard, mais simplement, on n'est pas du tout déjà sur le même sous-jacent et le même esprit. Ensuite, effectivement, les secteurs en tension, d'ailleurs, le patronat a déjà commencé à en parler, c'est pas comme ça, naturellement, qu'on va avoir, un début de solution à proposer, pour les entreprises avec des secteurs en tension, et on sait que, en général, ça se répercute très rapidement sur les prix quand il n'y a plus de main-d'œuvre. Ouais, mais bon, sauf que là, est-ce qu'il va réussir son coup avec cette nouvelle circulaire? Ray Chaby, ensuite Thierry Paul Valette. Bah, je suis à peu près d'accord avec l'analyse de Ménat, parce que c'est vrai que Bruno Retailleau, finalement, répond à une demande de fermeté de la part de l'opinion publique. Hmm. C'est une évidence. De l'opinion publique ou d'une certaine droite, oui, non, mais on va dire. L'opinion publique. Il répond à une demande qui remonte, en tout cas, qui remonte à Le flux migratoire. Le flux migratoire. Et certainement. Ouais. Sécurité aussi, il a raison, Ménard. Excuse-moi. Il répond effectivement à une certaine catégorie de l'opinion, on va dire ça comme ça, qui demande de la fermeté sur cette question-là. Mais après, l'autre sujet, c'est effectivement comment on arrive à concilier. Comment dirais-je, fermeté et entre guillemets humanité, notamment pour celles et ceux qui travaillent déjà ici, notamment sur les métiers en tension, qui sont déjà là et qui se demandent à quelle sauce entre guillemets vont être mangés avec cette nouvelle circulaire. Ah bah je vais vous le dire. Donc effectivement, c'est un gros sujet, un problème. Voilà la sauce à laquelle ils vont être mangés. Plus de sévérité. Thierry Paul Valette. C'est assez compliqué, puis ça s'inscrit cette question dans des temps politiques, j'ai envie de dire incertains et inédits. Mais la circulaire Valls de mémoire, c'était pour moi entre 20 et 30 pages. Là, c'est réduit à quelques feuillets. Donc on voit bien qu'on a un ministre qui veut aller à l'essentiel, frapper fort, parce que il y a une politique qui est électorale vis-à-vis du Rassemblement National, et puis on se projette aussi pour 2027. Et puis il faut quand même pas oublier qu'une circulaire, maître pourra nous le confirmer, ça n'a pas valeur de loi réellement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ça que... Ça n'a pas valeur de loi, mais ça a valeur, mais juridiquement, c'est pas une loi. Ce n'est la même chose. Alors, il ne faut surtout pas l'oublier, et les gens pensent que circulaire égale loi. Rapide. Voilà. La seule chose, nous, chez nous, en tout cas en France, ça fonctionne comme ça, vous m'arrêterez, vous me direz, c'est que, vous avez raison, c'est vrai de le rappeler. C'est important. C'est que, il y a la liberté de chaque préfet de dire oui ou non. Oui, bien sûr, exactement. Pour moi, il n'y a que ça. C'est juste ça. C'est rien que ça que je vois, moi. Ça veut dire que libre à chacun des préfets de dire j'accepte pas. C'est tout. Donc, on redonne finalement l'eau du bébé avec le bébé, d'une certaine manière, et ça veut dire qu'on fuit ses responsabilités. Mais de toute façon, la question est de est-ce que le gouvernement Retailleau va tenir? Est-ce qu'il va tenir oui ou non? Donc, la question ne se posera plus quand il y aura les prochaines élections. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que. Oui, il faut de la fermeté. Les Français, ils veulent de la fermeté. Il y a une droitisation de la société, on le voit avec Trump, l'Europe se droitise, il y a des conflits, tout devient compliqué, mais il faut aussi la question sociale. Et maintenant, c'est ça aussi qui est inédit, il faut que les partis politiques sortent de leur propre essence politique pour se dire on doit travailler ensemble avec la question humaine et sociale et la question sécuritaire, mais simplement le fossé est en train de se creuser, la droite se extrême droitise et la gauche se extrême droitise. Extrême gauchiste. Voilà. Et pire encore, elle ne prend pas ses responsabilités. C'est ça aussi. Parce que la gauche a abandonné le terrain depuis très longtemps. Ouais, et maintenant, enfin, pour conclure, quand on parle d'immigration, on parle de quelle immigration? Il y a trois types d'immigration. L'immigration économique, l'immigration de guerre et l'immigration clandestine. C'est ça aussi. Et quand on pose la question de finalement un référendum pour ou contre l'immigration, moi j'ai peur. C'est pas une arme qui faille, en tous les cas, aujourd'hui, dans l'état dans lequel la France politiquement utilisée. Il y a Ibouba et j'aimerais poser une question un peu plus juridique à Maître David Libeski. D'allez-y, Ibouba. Oui, mais ce qu'il faudra savoir, justement, mon très cher collègue, c'est que là, en ce moment, il faudra mettre l'accent sur ce qui est plus important. C'est une demande sociale. En fait, donc, il y a les Français, beaucoup de Français demandent parce que, justement, ils veulent mettre l'accent sur la question sécuritaire, en fait, qui est liée un tout petit peu avec l'immigration. Je crois que Ménard l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est sur ce plan-là, d'ailleurs, qu'il voudrait mettre l'accent. aujourd'hui, c'est pour répondre, donc, parce que il y a le show du ministre de l'Intérieur qu'on voit toujours depuis qu'il a été nommé. Vous savez très bien, il était toujours sur le terrain. Je crois qu'il est aussi sur le terrain avec le ministre de la Justice aujourd'hui. Ce sont les deux que vous voyez dans le gouvernement qui sont affichés comme tels. C'est un meilleur job. Oui, non, mais exactement. Donc, c'est ça qu'il faut. Hein. Donc, de toute façon, à la vision spontanée des choses, il faut se faire voir. Mais la réalité est que la France, économiquement, a besoin de main-d'œuvre. Ça, c'est vrai, ça. Non, évidemment, ça, c'est. Non, mais attendez, je vais finir. Demain, mais vous avez dit le contraire tout à l'heure. Non, attendez, voilà. Non, j'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut savoir qu'il y a 10% liés à l'immigration. Maintenant, deuxièmement. Ils en font et c'est nécessaire. Maintenant, c'est la manière dont, évidemment, l'immigration vient sur le sol français. Mais ce qu'il faut. Je vais finir. Le collègue, il suggérait cette chose-là. La question sociale, elle est pertinente. Pourquoi ? Parce que il faut revoir le modèle social qui est devenu complètement injuste. Oui, et finalement, on va stigmatiser l'autre, l'étranger. On va le réduire à l'immigration clandestine en disant, ben finalement, c'est vrai, nous, on travaille, les salaires ne sont pas remis à l'ordre du jour, on n'a droit à rien, eux, ils ont droit à tout. Alors qu'on dit eux, c'est faux, malheureusement, mais on est dans des schémas et dans une stigmatisation, et je trouve ça dommage. Et dans les sociétés où il y a de la misère sociale, où les citoyens ne sont pas écoutés, forcément, ça fait toujours la part belle à l'extrême droite. On marque une courte pause. Tiens, je voudrais vous solliciter, vous entendre d'ailleurs venir faire part de votre témoignage. C'est de ceux qui sont confrontés justement à cette complexité, vous savez, de renouveler sa carte de séjour ou de faire venir une tierce personne ou une personne tout court en dehors de la France, en dehors du continent européen. Est-ce compliqué pour vous ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ? Hein ? 0153483000, à tout de suite, ne quittez pas, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. Professionnels, un service à proposer, un produit à faire connaître. Beurre FM est le moyen idéal pour faire parler de vous. Découvrez nos produits et nos offres en contactant la régie publicitaire de Beurre FM au 01 53 48 30 47 ou 49 ou pub@beurrefm.net. Vous avez le savoir-faire ? Nous allons le faire savoir. Et si la vie était plus simple avec Marché Frais ? Marché Frais, c'est une multitude de produits frais, de qualité et surtout au meilleur prix. Viande, poisson, fruits, légumes, découvrez nos promos toute l'année, mais aussi le plus grand rayon halal d'Île-de-France. Du 22 au 26 janvier, les navets marteaux sont à 99 centimes le kilo et les pommes golden à 1,09€ le kilo. Marché Frais, 12 magasins en Île-de-France, comme à Villemomble, au 128 avenue de Rosny. Navets catégorie 1 origine Espagne et pommes catégorie 1 origine France. Retrouvez tous vos programmes préférés en podcast sur beurrefm.net, l'appli Beurre FM et toutes les plateformes de podcast. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. C'est pas mal, la plus belle de Paname. Dans mon cœur, bébé, t'as fait un canage. Beurre FM. Beurre FM. Toujours plus de hits. C'est sur le Bon Coin Imo qu'on a trouvé notre appart. Il fallait un grand séjour pour le piano de notre fils, des murs bien épais et surtout, surtout, une pièce très éloignée du séjour. Parce que Beethoven, là, il joue vraiment comme une saucisse. Actuellement, sur le Bon Coin Imo, près de 100 000 opportunités vous attendent pour trouver le bien qui correspond à vos besoins, à Paris et en région parisienne. Le Bon Coin Imo, le bien pour tous. Source Le Bon Coin. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Nature ou cuisinés, vous vous vanterez de dire « Moi, 5 fruits et légumes par jour, mais c'est sans problème !» Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Et ouais. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 12 semaines au 3 novembre 2024. Ah, ce risotto, un pur délice, c'est quoi ta recette ? Un risotto de lapin aux champignons. Ah mais oui, du lapin, c'est remarquable. Oui, j'avoue, le lapin, ça change du quotidien. Facile à cuisiner, une viande blanche équilibrée et savoureuse. Avec le lapin, faites-vous remarquer. Rendez-vous sur lapinremarquable.fr. Campagne financée avec l'aide de l'Union Européenne. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent tous les jours pour votre vue. Cynthia, opticienne à Roissy-en-Brie, accompagne de manière personnalisée ses clients et même à domicile. Oui, certains clients ont des difficultés à venir en magasin. C'est pourquoi le service Optique 2000 à domicile a été créé. C'est comme si on déplaçait le magasin chez eux. On leur propose exactement les mêmes services, les mêmes offres produits et le même choix de monture. Pour en savoir plus sur le service Optique 2000 à domicile, demandez conseil à votre opticien ou prenez rendez-vous sur optique2000.com. Optique 2000, on va se revoir. Vous avez commandé des sushis mardi et vous avez envie de continuer votre voyage en Asie. Heureusement, avec l'abonnement Deliveroo Plus Or, les frais de livraison sont offerts. Et en plus, vous cagnotez 10% sur vos commandes restaurants. Et hop, c'est parti pour des ramen. Non, un boboon. Allez, des ramen. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là on est très bien. Abonnement payant, conditions de l'abonnement, Deliveroo plus Or et ses avantages sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire à manger ce soir ? Pomme de terre. Mais ouais, super idée ça. Une salade de pommes de terre au thon mariné. Pomme de terre. Ouh, ça a l'air pas mal du tout ça. Un curry de pommes de terre. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base. Ah, la nouvelle année, les projets. Avoir une voiture qui démarre quand on la démarre ou une deuxième salle de bain pour arrêter de courir le matin. Mais ça tombe pas du ciel, c'est ça? Oui, voilà, oui. Ça tombe bien. Du 6 janvier au 2 mars 2025 inclus, profitez de notre offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels. Auto, travaux ou projets. Pour en savoir plus, rendez-vous en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, citoyenne. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Sueur nocturne, bouffées de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause est la solution complète sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie. Manae, la référence naturelle depuis 20 ans. Une marque VitaVea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Comment faire d'une location de vacances banale un séjour à Britel ? Imaginez une location avec un hôte qui vous fait visiter toute la maison. Maintenant, dites-lui au revoir. Et voilà, l'hôte n'est plus là. Maintenant, c'est une location de vacances à Britel. Vous préférez déjà à Britel. Au fait, Manu, dimanche, c'est le prêt d'Amérique. Hein ? Ouais, ouais. Et chez PMU, il y a la tirelire exceptionnelle Quintet Plus. Bah, comment ça ? Ben, 3 millions d'euros. La tirelire, quand même. 3 millions d'euros ? Ah oui, ça, c'est la tirelire. Dimanche 26 janvier, à l'occasion du prix d'Amérique, tentez de gagner la tirelire Quintet Plus exceptionnelle de 3 millions d'euros. PMU ? Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai vu votre offre sur la brioche Harris. Vous en avez encore ? Oui, bien sûr. Ouf, parce que mes enfants refusent de faire leurs devoirs, sauf si je leur trouve de la brioche. Au chocolat ! Ça va pouvoir se régler. Car du 21 janvier au 1er février, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, pour l'achat d'une brioche tranchée Harris pépite de chocolat, la deuxième est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. C'est parti, vous savez quoi ? Jingle, les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole. On ouvre le standard justement pour vous entendre parler concernant donc les sans-papiers, concernant l'immigration, concernant le flux migratoire, concernant le flux de l'immigration. Que pensez-vous de cette nouvelle circulaire proposée par Retailleau ? Est-ce que vous avez le sentiment que cela va être appliqué ? Justement, puisqu'il souhaite, hein, son souhait, l'objectif est de durcir tout cela. Comment vous captez l'ambiance ? Appelez-nous, 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre parce que c'est un sujet qui nous concerne, c'est un sujet de société. Et comme l'a dit Bouba tout à l'heure, et Thierry Paul Valette, la France malgré tout a besoin de cette main-d'œuvre, la main-d'œuvre, donc c'est l'immigration. Alors, en attendant vos appels justement, en attendant que vous puissiez passer, j'ai une question, moi, un peu plus technique, juridique, à mettre les biscuits. Alors, cette circulaire, on a dit tout à l'heure, c'est à l'appréciation des préfets. Tout à fait. D'accord ? Mais tout de même, Bruno Retailleau, c'est leur patron. Oui. D'accord ? Oui. Ils demandent plus de sévérité. Oui, mais après... Et s'ils demandent plus de sévérité, qu'est-ce qui risque de se produire ? Après, comme je vous l'ai dit, en fait, ça ne va rien changer, parce que c'est une goutte d'eau, en fait. Hein. Il y a 30 000 régularisations en 2023 sur le fondement de la circulaire Valls, ce qui n'est rien. C'est vrai. Après les préfets ont la liberté, ont la discrétion de dire oui ou non. Non, mais ma question est juridique. Il réclame des chiffres, le ministre. Mais oui, l'intérieur réclame plus de chiffres. Oui. Est-ce que ça, juridiquement, les préfets sont dans l'obligation de le faire? Non, ils n'ont aucune obligation de résultat, les préfets. Oui, mais puisqu'en fin de compte, ils ont une appréciation discrétionnaire sur chacun. Donc comment peut-on leur demander, en fait, une obligation de résultat? Mais parce que, non, sous l'angle que Farkan, il dit, moi, je comprends très bien sa question. Mais j'ai compris. Après, Ménard, mais parce que, justement, écoutez, parce que le fond du problème est que Retailleau, aujourd'hui, c'est le chef. Donc c'est lui qui impose celui qui gère ces préfets-là. Oui, ce qu'il faudra noter, en fait, c'est symbolique. En fait, il y a une sorte de bouillie qui s'articule autour de tout cela. C'est justement c'est justement donc ce problème du OQTF là, donc, qui est aussi qui pose un vrai problème. Mais ça aussi, il faudra comprendre que il faudrait que ces consulats et autres puissent quand même jouer le jeu. Si le jeu n'est pas joué, comme on a vu le cas de l'Algérie, ce qui se passait tout récemment. Donc s'il ne joue pas le jeu, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Eh ben, on va voir. On a un fonctionnaire avec nous. C'est une manière aussi à lui de rejeter la responsabilité en cas d'échec sur les préfets, de dire, ben voilà, moi, j'ai donné des instructions, des circulaires, ça n'a pas été fait, ce n'est pas de ma propre personne qu'il s'agit. Hein. On va aller direction Grenoble. C'est pas juridique. Grenoble, on va accueillir Najib. Il est fonctionnaire, justement. Alors, Najib, bonsoir. Bonsoir. Fonctionnaire pour l'État, pour quel service, pour quel... Territorial. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette circulaire, là, franchement, mon cher Najib, vous qui êtes fonctionnaire? Franchement, moi, j'ai regardé un peu, je ne sais pas si vous avez vu, le reportage hier sur Envoyé spécial, sur la 2. Oui, moi, j'ai vu. On a entendu parler de M. Retailleau, là. Franchement, je suis dégoûté, hein. Il n'y a rien qui va, hein. Voilà. Au début, les OQTF, c'était pour les ramener dans leur pays et tout. Mais là, en fait, celui qui n'a pas de papier, voilà, tout de suite, il est stigmatisé de OQTF, quoi. C'est vrai, ça, Maître David Libisky, ce que dit notre fonctionnaire, là. Oui. Celui qui n'a pas de papier, qu'elle a en France depuis, je sais pas, je donne un exemple, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, il lui faudra 7 ans. D'accord. Il lui faudra 7 ans. Il faudra 7 ans de présence sur le territoire français. Il faudra 7 ans, mais si un. Non, mais ça, c'est 7 ans de préfet, présence. Si le préfet. Mais s'il est là depuis 4 ans et qu'il bosse, etc. Est-ce que le préfet. Attendez, c'est ce que dit Najib, là. Si le mec, il bosse. Est-ce que le préfet peut être moins dur que la circulaire? Alors, s'il travaille, en fin de compte. S'il travaille. Qu'est-ce qu'indique la circulaire? Elle indique que s'il peut justifier avoir travaillé 12 mois dans les 24 derniers mois. Et de justifier d'une présence de 3 ans sur le territoire français, il pourra être régularisé. Mais comment vous justifiez les 7 ans? Non, mais il n'a pas besoin de. Un sans-papier arrive, il dit. Comment justifier les 7 ans? C'est impossible. 7 ans, comment vous les justifiez? Bah, c'est impossible. Allez-y, vous amusez. Comment vous justifiez 7 ans? C'est impossible. 7 ans, comment? Avec quoi? C'est impossible. Comment justifier les 7 ans? C'est impossible, Thierry. C'est impossible, on le sait très bien. Attendez, quand vous avez une. Najib. Attendez, quand vous avez une. Oui, oui. Je vais vous couper tout de suite. Franchement, parce que ce qu'il disait M. Retailleau, franchement, ça va très loin. Ça n'a rien à voir, c'est de l'exécutif, quoi. On exécute, quoi. On envoie, c'est pour faire des statistiques, c'est tout. On a bien compris hier. Il disait. Vous m'entendez? Oui, très bien, on écoute. Oui, c'est de l'exécutif, en fait. C'est pour faire des chiffres, quoi. On a bien vu, ni ça marche, ni rien du tout. Leur loi, elle est très mal faite. En fait, les étrangers sont stigmatisés. On a bien vu que, et en fait, c'était pour faire du chiffre qu'ils renvoyaient que les Albanais, voilà, parce qu'ils avaient du mal à avoir des laissés-passer pour les Maghrébins et tout. Mais c'est pas pour rien, tout ça. Regardez. Mais là, on a un cas de figure concret. Ça veut dire qu'on a le sentiment d'un quelqu'un qui est en plus fonctionnaire, qui a le sentiment d'être stigmatisé. C'est-à-dire que lui, tout va bien pour lui. Mais on est stigmatisé. Il faut écouter ce qu'il dit. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il pointe du doigt tous les autres qui sont stigmatisés. Oui, mais ça depuis des années, en fait, les sans-papiers sont stigmatisés. Ça devient lourd. Les sans-papiers manifestent à Paris, dans la capitale, tous les samedis, ça fait des années. Maintenant, il faut quand même dire que quand on parle d'OQTF, ça ne veut pas dire violeur, terroriste, assassin. Alors que beaucoup de gens pensent que c'est ça. Ça peut être juste un problème administratif qui peut être réglé et résolu. Donc j'ai envie de dire que tous ceux qui sont sur OQTF, SNCF, il y a 80, plus de 90% où il n'y a aucun problème. Exactement. Et ça, ça fait une perte d'argent. C'est-à-dire qu'on renvoie les gens, les avions, les machins. Ça fait de l'argent des contribuables, quoi, de l'État. Enfin, ils mettent de l'argent, des millions et tout, pour envoyer les gens, alors que franchement, ils sont là, ils sont très bien intégrés. Même, ils l'ont dit, comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, pas l'ONU, hein. Ils ont dit comme quoi, on renvoyait n'importe qui à la maison pour faire des chiffres, quoi, c'est tout. Alors que c'est pas ça, ça marchera jamais. On est d'accord, Monsieur Retailleau, il veut faire sa politique comme ce Darmanin faisait avant. Et franchement, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. On est d'accord. Ça, c'est juste pour faire des chiffres, pour se...